Leçon 4, exercice 70. Utilisez les formes impersonnelles. Exemple. Il partira demain. Il se peut que... Il se peut qu'il parte demain. À vous. Peut-être que... Peut-être qu'il partira demain. Il se pourrait que... Il se pourrait qu'il parte demain. Il est probable que... Il est probable qu'il parte demain. Il y a peu de chances que... Il y a peu de chances qu'il parte demain.